Ludo in the mix, Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Bonsoir à vous, c'est le mix de Ludo qui vous emmène. 2 heures de mix non-stop, tout ça sur Sorgia FM. Bonne soirée à vous. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo le vendredi et le samedi soir sur Sorgia FM. Music is all I need, music is all I need. Feel the adrenaline moving into my skin. Feel the adrenaline moving into my skin. Feel the adrenaline moving into my skin. Turn. Et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Le mix de Ludo. Barbra Streisand. Streisand. Streisand. Streisand. de Ludo. In a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you fade and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you fail, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Que du bon chez Martin Garrix. Martin Garrix, pardon. Mais avec l'accent. We are the people. Avec Bono de U2. Bonne soirée à vous. C'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo, les vendredis et le samedi soir. Le vendredi soir à 21h, le samedi à 22h. Votre kit nouveauté. Si en fin d'année, on faisait l'enregistrement de l'émission qui passait le vendredi et le samedi soir. Là où je suis, il y a une émission le vendredi, une émission le samedi. Comme ça, pas de jaloux. Bonne soirée à vous. Le mix de Ludo. Sorgi FM. Le Allez, petit souvenir, Paquito, Living on Video. Thank you. le mix de Ludo. Le mix de Ludo le vendredi et le samedi soir sur Sorgia FM. Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Bring that ass back like a boom boom. Give up, give up. bring that ass back like a boom, boom, boom, boom, boom. As bad like a boom boom boom boom. Le mix de Ludo le vendredi et le samedi soir sur Sorgia FM. Le mix de Ludo. make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power. Never, ever, after work is over. Hi! Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Wait up, wait up, wait up. drinking it up. Le mix de Ludo. Samedi à 22h sur Sorgia FM. Bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor. Tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das trabajo, mami, con mucho saoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, baila lo loco. In the mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. We'll be right back. Le mix de Ludo. A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Sparks flying from the sun. I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight's gonna be the one. 'Cause you fade, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's a mirror to be you in my mind. Could be mad, but you might just be right. The Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Le mix de Ludo. Oh, Hola, Oxy. Besando solo le vio glossy. Ya yo le di toda la posi. Ludo. Le mix de Ludo. de Ludo.

Jamais non, l'amour, le loup c'est ton nom. Dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. Boss, you know we finally here, right? Well, we. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again. It's live again, it's live again. Et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Dans le club accompagné de mes thugs. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme me bug. Je marche avec les vrais, ouais, je marche avec les best. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte, c'est le zbeul. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz. Mec, si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. Ma CQC, j'ai payé tout pour tailler ta gueule de bois. Bref, ne compare pas au reste. Ils sont devenus célèbres comme la femme de Kanye West. Chez nous, on fait des i depuis l'époque de la Marelle. Oui, je sais, je vieillis pas, on m'appelle Sopra Farel. Ils se prennent pour Barcel, Stringer Bell. Quand ils prennent le micro, j'entends Jingle Bells. Nous, on brille sans l'aide EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Polnareff. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey. De chez Fab Barbershop. Oui, les gigoteuses aiment les gigoteurs. La classe ne fait pas le boule, mais le boule fait la classe, mesdames. Jeffrey, mets-les tous en ligne. Et on danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Gigote. Danse à la Carlton. Vas-y. Danse à la Carlton. Jeffrey. Mister Sopra. Carlton, il arrive là aussi. Danse à la Carlton. Jeffrey. Il y a du déclassement, Jeffrey. Fresh Prince. Le remix, vous l'auriez deviné. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Encore pour une demi-heure, le mix de Ludo. Et on se retrouve samedi aussi également. À partir de 22h. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve donc demain. Samedi, à partir de 22h jusqu'à minuit. J'avais du mal à calculer. Ludo, 2h d'émission, 2h, oui, 22h minuit. Voilà. Et on danse à la Carlton! We'll be right back. what's in the blood and wine. FM. Le mix de Ludo. Alors on danse. le mix de Ludo. Dans la zone, avant la drogue, que j'avais des pés, ça qui a rat. Et dans le hall, j'suis sous piche, j'suis sous terre, ça la vocale. RS3, 4 cagoules, un crasseur, cherche le AK. 5 Chanel, elle me donne le go, Magadji, c'est Petrushka. Dans la zone, on voit la boîte, ça fait des pés, ça qui a rat. Dans le hall, j'suis sous piche, j'suis sous terre, ça la vocale. RS3, 4 cagoules, un crasseur, cherche le AK. 5 Chanel. TikTok, Twitter, entêté, j'traîne pas un Phuket en pépé. J'mets les lits dans poussette du bébé. Ça tape, j'vais toucher dans l'évier. Pas la sauce, oui, ça va péter. En jogging, ça rate de temps. J'encaisse, souris, tu dis des chants. J'me rappelle, j'peux te déchant. J'peux jouer en attaque et en défense. J'fais 6, j'fais 100, j'fais 1000, j'fais 100. Débile, méchant, ta sauce déguerre. Pas petit, pas grand, pas petit, pas dense. Pas petit que j'avance, ta sauce déguerre. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Sound of nature. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido. quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo, y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar, esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. Te sientes bien, a un paso de la luna, confío si te digo que no es una locura. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora. Contigo a solas, y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera, oh, oh. El velo hasta cera, hasta cera, oh, oh. Y el sueño que está cerca, tan cerca, oh, oh. Porque yo estoy pensando en ti otra vez. Luna llena, adiós, buenas noches. Importa que piense la gente, y aunque miren, no sé, es indiferente. Da igual lo que opinen, no puedan decir. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora. Contigo a solas, y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera. I had a dream that I was sinking slow motion. I get overwhelmed in all the messy emotions. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Stronger. Le mix de Ludo. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Bonne soirée à vous. Rendez-vous samedi à partir de 22h. Et sinon, vendredi prochain, 21h, 22h, 21h, 23h, pardon. Tout ça sur Sorgi FM. Salut, salut. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo le vendredi, le samedi soir sur Sorgia FM. Ludo in the mix. Ludo in the mix, Ludo in the mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Sorgia FM.